les nuits de neige à guetter le ciel. Vous êtes loin, vous me manquez comme un pays, comme un amour. Je n'ai plus rien dans mes souliers. Hélas, hélas, c'est pour toujours. Sapin de mes 10 ans, non, ne t'arrête pas, continue cet air-là. Vous êtes loin, vous me manquez, chacun son temps, chacun son tour. On a éteint ma cheminée, hélas. C'est pour toujours. Joli sapin de nos 10 ans, guirlande d'or pour les yeux d'enfant. Vous êtes loin, vous me manquez comme un pays, comme un amour. Tous nos jouets se sont cassés. Hélas, hélas, c'est pour toujours. Chacun son temps, chacun son tour.